Fergie, ton papa, sans relâche. Pour ma petite chérie, pour mon bébé. Pour toi Lola, j'écris ce morceau. Pour toi Lola, je dédicace ce morceau. 2 ans déjà que tu nous as quittés. 2 ans de tristesse. Pour toi Lola, hier. Rappelez-vous ce qui s'était passé juste avant Noël 2005, près de Thionville. Une gamine au nom de Lola est morte, tuée sur le coup par un chauffard. J'ai l'impression que cette jeune fille s'était réincarnée en ce qui était mon chat. Je l'ai appelée Lola, elle différente des autres, le plus petit chat qui existe au monde. Dieu m'a confié de veiller sur elle, elle qui n'est pas digne de moi. Et j'ai pu faire le maximum pour la détruire, merde. Car si j'ai beaucoup exagéré, en dernier, je l'avais trop touchée. Quelle galère pour revenir dans le passé. Cette chatte était condamnée. Comment j'ai pu faire pour en arriver là? Ces derniers mois, j'avais le diable au corps. Mais maintenant, je fais face. Et pour Lola, c'est trop tard. Mais je continue à penser à elle. Elle qui n'a pas eu de chance. Elle que Dieu a repris. Maintenant, c'est un ange dans le ciel. Et je prie et pense à toi tous les jours pour construire un monde meilleur. J'espère un jour te revoir pour te faire un câlin et une caresse sur le menton. À la façon comme t'aimais. Je n'oublie pas ces ronronnements hein, que tu faisais, ces miaulements quand tu étais avec moi. Je t'écoute encore dans mes pensées comme si je te promets de faire. Comme si tu étais encore présente, Lola. Comme si tu étais encore présente, Lola. Tu sais, ma petite chérie, même si t'es plus là, mes souris ils sont là et ils ne sauront jamais ce que tu sais. Le chat que tu étais, car pour moi je ne cesse de t'oublier. Car je suis une loque. Il faut être une merde pour faire ça. Le pire, c'est que je t'ai abandonné, comme si de rien n'était. Mais dans ces moments, si le Seigneur par sa lumière pouvait te ressusciter, il l'a bien fait pour Jésus. Alors pourquoi il le ferait pas pour toi? Tu sais Lola, quand je me réveille, je voudrais voir ta frimousse sur le balcon qui attend un câlin que je ferai. Mais j'y peux pour tout le mal que j'ai pu te faire. Même si je le regrette un peu tard, même si je ne mérite pas le pardon, je veux que tu regardes comment je suis mélancolique pour la tristesse de te perdre Lola. Mais pour rien au monde, tu me manques Lola. Tu me manques Lola. Yeah. Et je fais comme si tu étais encore présente Lola. Comme si tu étais encore présente Lola.